Moi, j'ai une question à poser. Dernièrement, j'ai vécu une expérience j'ai risqué ma vie dans une expérience, dans une escalade. Puis il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi. Ma vision de la vie a changé. Dès l'instant que j'ai descendu après, ma vision n'est plus pareille. Il y a quelque chose qui s'est passé intérieurement. J'aimerais que tu m'expliques ce qui s'est passé. Bon, premièrement, tu n'as pas risqué ta vie. Si je n'ai pas risqué ma vie, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu as sans doute perdu une vie. Perdu une vie. Et peux-tu expliquer? Oui. Explique. Le contexte d'expérience planétaire de l'humain est un contexte qui cumule en même temps différents phénomènes d'expérience dans différents mondes parallèles. Un être humain ne meurt pas immédiatement. Ce n'est pas un risque parce qu'on ne risque jamais rien. On se casse la gueule ou on ne se casse pas la gueule, mais ce n'est pas un risque. C'est la valeur émotive que l'ego va accorder à un événement qui fait que l'ego va parler d'un risque, mais il n'y a pas de risque. Vous ne risquez pas d'argent quand vous jouez au poker. Certains en perdent, certains en font. Il n'y a pas de risque d'argent. On ne risque pas sa vie. L'être humain vit une expérience évoluante. Et dans cette expérience évoluante, l'être humain est assujetti à différentes mécanicités réincarnationnelles. Ces mécanicités réincarnationnelles ont différentes tendances et la tendance majeure, outre l'expression et le nourrissement, c'est de s'incarner, de retrouver un monde, un corps physique dans un cadre matériel qui prévalait lors de leur création, donc lorsqu'ils ont été créés en termes de mémoire d'expérience, de retrouver quelque chose de similaire et de forcer la matière ainsi que le corps physique à redevenir ce qu'il était dans le passé. L'être humain qui vit, comme vous tous présentement, est assujetti à plusieurs phénomènes d'évolution parallèles. Il y a chez vous l'évolution de vos grands-pères, de vos grands-mères, en même temps que votre vie. Ceux-ci vous attendent quelque part sur le cheminement et vont s'arranger pour détruire vos corps physiques de façon à les rendre comme ils étaient à l'époque où ces personnes ont vécu. Ce qui fait que les corps physiques vieillissent toujours selon une norme. Il y a de l'expérience créée par des enfants, de l'expérience créée par des adultes, de l'expérience créée par différents phénomènes, différents blocs d'âge. En réalité, différents concepts psychologiques qu'on attribue souvent à différents blocs d'âge. Un être humain, dans sa normalité, vit une évolution ascendante sur approximativement 7 plans en même temps. Si je dis 7, c'est parce que c'est 7 en moyenne. Ce n'est pas parce que 7 est un chiffre particulier. Le chiffre 1 est sacré, c'est l'actif. Le chiffre 2 est sacré, c'est le passif. Le chiffre 3 est sacré, c'est la résultante. Le chiffre 4 est sacré, c'est la matière ou la croix. Le chiffre 5 est sacré, bref, sont tous sacrés les chiffres. Alors, ce n'est pas parce que je prends le chiffre 7, etc. Jusqu'au 40, hein? Déluge, puis dans le désert, puis tout ça, 40 est sacré aussi. Alors, il arrive ceci. Il arrive que sur le cheminement évolutif d'un humain, différentes mécanicités réincarnationnelles en bloc l'attendent. Ils ont déjà un contact avec lui, et la majorité de ces contacts est un contact intracellulaire, c'est-à-dire que c'est un contact génétique réincarnationnel. Cela veut dire que l'être humain, tes parents, tes grands-parents, en fait, disons, ton père, ta mère ou tes grands-parents, lorsqu'ils avaient 65 ans, 70 ans, 80 années, eux t'attendent pour te tuer. Parce que tous les parents ont un objectif astral, tuer leur progéniture. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous allez mourir. C'est que cellulairement, ceux qui ont vécu avant vous ont laissé un code dans votre génétique pour que ce code vous transforme selon ce qu'eux ont été. Et comme l'expérience va jusqu'à la mort, nécessairement, le code a été inscrit de façon à ce que votre corps physique en meurt. Lorsqu'un être humain perd une vie, l'être humain évolue sur 7 schémas en même temps. Et c'est une grande problématique dans l'évolution parce que cela engendre dans la constitution, dans l'identification psychologique de l'ego, une plurivision du monde qui perturbe totalement la stabilité de l'ego Et la stabilité de l'ego étant perturbée, il y aura aussi une perturbation au niveau du mental de l'ego, qui est le lecteur, l'observateur. Étant donné qu'il y a une perturbation au niveau de l'évolution de l'ego, étant donné qu'il y a une évolution croissante sur approximativement 7 mondes parallèles, 7 plans, vous évoluez 7 fois en même temps. À un moment donné, l'être humain doit fusionner ces choses. La fusion est extrêmement compliquée, longue. Mais il y a une possibilité de rejeter ces choses. On peut rejeter les 7 plans de l'évolution de l'astral en bloc par la fusion avec une entité moroncienne qui n'est pas le deutérique. Et on peut aussi rejeter par morceaux certaines de ces parties de l'évolution, des blocs d'évolution. Et on appelle cela rejeter une vie. Normalement, dans une structure planétaire conventionnelle, un corps physique ne meurt pas tant qu'il reste attaché à son évolution, à sa vie physique, l'un des plans de l'évolution. Autrement dit, si on prend le chiffre 7 et qu'on dit qu'un individu évolue sur 7 plans, on peut considérer que l'individu a 7 vies. Donc, à un moment donné, à l'âge de 3 ans, tu es tombé dans une piscine, tu as failli te noyer, quelqu'un te sort de là, tu viens de perdre une vie. Mais la vie que tu viens de perdre, elle est avantageuse pour toi et extrêmement nuisible. Avantageuse en ce sens que tu viens de perdre une partie d'une des structures d'évolution dans un monde parallèle que tu ne contrôleras que difficilement par ton mental. Plus tard, tu es sur une voie ferrée, tu t'en fâches, tu trébuches, et il y a une locomotive qui vient pour te passer dessus, et au dernier moment, eh bien, le vent te souffle à côté, tu échappes encore à la mort, tu viens de perdre une deuxième vie. Alors on peut dire qu'il t'en reste 5. Quand il t'en restera une, quand tu seras perdu, tu seras mort. Mais il y a une façon qui n'est pas sous le contrôle volontaire de l'ego pour que l'individu qui perd une vie ne voit pas la longueur de sa vie écourtée. Lorsqu'un individu digère ce monde parallèle, il perd une vie, en ce sens que des 7 plans d'évolution, certains en ont 8, d'autres 9, d'autres 5, de ces 7 plans d'évolution, l'individu, au lieu d'en rejeter un par l'accident stressant d'une possibilité de mortalité, l'individu l'intègre et la digère. La digérant des 7, il en reste 6. Ce qui va arriver lorsque ce phénomène, lorsqu'on a un bloc qui est digéré, c'est que la vision de la réalité, la vision du monde, par la conscience lucide de l'ego, orchestré par la vision réelle du mental, devient plus stable. Elle devient plus jeune. Elle a une autre saveur. Elle a une saveur que l'individu connaissait, mais une saveur qui a toujours été extrêmement atténuée par des épices, les autres blocs d'évolution. Lorsqu'un individu risque sa vie, lorsqu'un individu perd une vie, en réalité, il ne risque pas sa vie, alors l'individu ne perd pas de vie, ou l'individu perd une vie, c'est-à-dire que pendant l'expérience, quelque chose se passe. Il y a rejet d'une vie. Pourquoi il y a rejet d'une vie? À quoi ça sert de rejeter une vie? Pour sauver le corps. Ça ne sert à rien. Parce que l'ego, certaines parties de votre constitution, finissent par être convaincus que la mort est certaine, une partie de l'antihomme se retire. On a déjà vu en séminaire que l'antihomme avait une tendance à se retirer d'un corps physique quelques heures à quelques jours avant la mortalité du corps. Ce qui donnait l'impression à l'individu qui allait mourir, s'il est malade, d'un grand soulagement. Et psychomédicalement, on dit que dans la phase de mortalité, il y a une étape, la finale normalement, où l'individu semble avoir totalement accepté sa mort. L'antihomme vient de partir, l'individu est clair. Étant donné que l'antihomme, il y en a un dans chacun de ses plans d'évolution qui va créer l'antihomme global chez l'humain, lorsque le corps est presque en train de mourir, ou peut mourir, certaines parties de l'ego qui, eux, considèrent l'idée risque comme étant un phénomène réel, alors que c'est une illusion, quittent. Si elles quittent, une partie de vie vient de s'en aller. C'est-à-dire qu'une grande partie de la stimulation de la vie vient de partir. Si c'est la partie qui, normalement, te permettrait de vivre l'âge de 40 à 50 ans, il y a fortes possibilités pour que de 40 à 50 ans, tu vieillisses comme si tu aurais vécu de 40 à 60 ans. Donc, il y aura une accélération subite du vieillissement. C'est-à-dire que cette partie étant partie, tu vas rejoindre tes parents plus âgés qui t'attendent, les autres qui t'attendent à 60 ans. Tu vieilliras donc 2 ans par année. Alors, l'individu paraît jeune, puis en 3 ans, il a vieilli comme on... Bon, voilà, ce qui s'est arrivé, c'est qu'elle a perdu des vies quelque part, là-dedans. Si, par contre, au lieu de pousser, enfin, au lieu que l'anti-homme s'en aille, l'anti-homme vient pour se détacher, parce que l'individu reste totalement lucide, l'individu suffisamment à mettre contrôleur chez lui, de temps en temps, la partie qui vient pour s'en aller est digérée énergétiquement, c'est-à-dire que l'information est détruite, alors que le contenant de l'information, la matière qui soutenait l'information, va servir. Ça énergise l'individu, ça augmente le plan de conscience de l'individu, et surtout, ça le libère d'une contrainte d'évolution évolutive. L'individu qui vit ce genre de mécanique rajeunit. Il rajeunit psychologiquement, il rajeunit physiquement, cela dépend de la quantité de matière dans la vie qu'il a perdue, qu'il a intégrée. Nécessairement, lorsqu'il revient, lorsqu'il s'en ressort, lorsqu'il prend conscience du monde, il n'a pas la même vision et il peut être relativement libéré. Dans les sociétés actuelles, l'humain ne risque pas souvent sa vie. On parle de risquer du point de vue de la vision de l'ego. L'humain ne perd pas souvent de vie. La grande problématique d'un humain qui vient de perdre ou d'ingérer, de digérer une vie, ce qu'il a digéré lui reste en énergie. Il peut digérer 1/10 de la vie qu'il vient de perdre. De temps en temps, ce qui peut par contre arriver, c'est que l'anti-homme qui a été expulsé, la partie de l'anti-homme qui est expulsé, l'anti-homme d'un des contextes de vie, aura tendance à rejoindre le corps physique dans les mois ou dans les années qui vont suivre. Donc, l'individu peut retrouver sa vie. Dans un système d'évolution, normalement, on devrait éliminer toutes les vies, sauf la nôtre. C'est-à-dire, celle qui fait partie de l'expérience de l'actuel corps physique. Donc, éliminer toutes les mécaniques d'évolution reliées aux réincarnations. On ne conserve que l'énergie acquise, on ne conserve pas l'information. Donc, on devrait se désassujettir, donc digérer, les mémoires réincarnationnelles. De quelle manière peut-on dépenser ses vies ou les digérer? De quelle manière peut-on créer une expérience pour laquelle ta vie est en danger? Par une simulation? Ou... Non. Une simulation, l'ego est au courant, l'anti-homme est au courant, à moins que la simulation vire au drame et que finalement ça n'est pas jusqu'au drame, donc qu'il y ait eu de l'imprévu. Ça doit être totalement imprévu pour qu'une des vies s'en aille. Maintenant, pour fonctionner convenablement, on ne doit pas abandonner des vies pour mourir à l'âge de 30 ans. On doit s'arranger pour digérer cette énergie, donc digérer notre anti-homme. Pour que cela se fasse, l'individu doit se fier à la vie. L'imprévu appartient à la vie. L'intelligence manipule l'astral, l'intelligence manipule la vie. Si ton ego, ton anti-homme, n'est pas au courant d'un phénomène qui peut lui arriver, il est initié. Cette initiation est solaire. Tu n'es pas mort. Et cette initiation est évolutive. Par contre, un individu qui décide de risquer sa vie, de faire de la course sur le métropolitain, de rouler à 250 km à l'heure si son automobile le lui permet, en plein hiver, lorsqu'il y a de la gadoue un peu partout, cet individu risque pas sa vie. Cet individu ne perdra pas non plus de vie. Il peut perdre toutes les vies en même temps. Comme il peut ne rien lui arriver. Il peut capoter, il peut avoir un grave accident, être à l'hôpital pendant quelques années, mais ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce que toutes les parties de l'ego étaient conscientes, volontaires, au courant et fonçaient. Si par contre il t'arrive des événements inattendus. Moi, une fois j'ai perdu une vie, c'est lorsque j'étais jeune, j'ai traversé un boulevard en courant. J'ai réussi à me faufiler entre les automobiles qui semblaient à 60 000 à l'heure, dans un sens. Mais j'ai été m'aplatir sur l'aile avant d'une automobile qui venait dans le sens opposé. Alors, j'ai été catapulté, j'ai traversé le reste du boulevard dans les airs par-dessus les automobiles qui passaient pour aller m'écraser sur le coin de la chaîne de trottoir. Je n'avais absolument rien, une petite égratignure sur un bras qui ne saignait pas. Là, j'avais perdu une vie. Quand on vit d'autres expériences, l'individu qui vit ce genre de, qui vit des expériences, lorsqu'il perd une vie, c'est lorsque sa vision du monde change. Alors, j'ai vécu énormément d'autres expériences où ma vision du monde n'a pas changé parce que j'avais déjà fusionné toutes les parties de ces mondes. Autrement dit, comme moi, je n'ai plus de vie à vivre que la mienne. Depuis des années. Ce qui fait que chaque fois que du point de vue extérieur, je risque ma vie, je ne risque pas ma vie. J'apprends dans l'expérience. Je ne me découvre pas changé dans ma vision. Je me change dans ma vision de la même façon que je me change en écoutant la télévision. Alors, un individu qui veut perdre des vies, c'est un individu qui devrait faire, qui devrait goûter plus puissamment à la vie, plutôt que de rester chez lui et attendre. Mais goûter plus puissamment à la vie ne veut pas dire rechercher l'initiation. Si un individu veut digérer, premièrement, de certaines formes de vie, pour avoir une clarté au niveau de sa psychologie ainsi que de son mental, l'individu doit s'arranger pour laisser plus de place à la vie pour que la vie puisse l'initier. Quand on parle de la vie, ce que je veux dire, c'est que si pour vous initier, je vous battre aux échecs, eh bien, si vous ne jouez jamais aux échecs, ou si vous jouez 30 secondes aux échecs par année, je n'aurai jamais la possibilité de vous battre aux échecs. Si on laisse plus de possibilités à l'intelligence de jouer avec des outils, avec des mécaniques, pour pouvoir venir nous transformer, quand je parle d'intelligence, je parle de la nôtre, même si du point de vue de l'ego, ce n'est pas connu, alors là, on a des chances de pouvoir perdre des vies ou de pouvoir gagner des vies. Quand je dis que moi, il ne m'en reste qu'une, j'ai gagné plusieurs vies. Mais je ne suis pas assujetti à la mécanicité évolutive qui fait de l'être humain, qui lui donne une plurilocalisation évolutive, où il comprend des choses différentes dans différents points de vue de sa conscience psychologique. Donc, un individu, bon, qui voyage dans des régions compliquées, mais où le motif de son expédition n'est pas de gagner des vies ou de perdre des vies. Ça doit rester dans l'imprévu. Si, bon, un jour, je couche dans la jungle au Guatemala, il y a un animal suffisamment criard, du moins, qui s'est mis à gueuler, et le zoologiste américain qui était avec nous, lui, tout ce qu'il pouvait considérer selon la flore, la faune qu'il connaissait de la place, c'était qu'en Afrique, il avait déjà travaillé avec des indigènes qui lui ramenaient des dessins de brontosaures. Et lui avait eu la même vibration que moi au cours de la nuit. Ça ressemblait à quelque chose qui faisait vibrer une corde cellulaire. C'était, pour nous, ça pouvait facilement être un Tyrannosaurus rex, donc un carnassier. Ça veut dire le roi des terribles lézards. Lorsqu'on vit ce genre de situation, ce n'est pas prévu. C'est prévu que tu pars avec un descendant maya, que tu sois dans des lagunes, une espèce de jungle, labyrinthe, que lui connaît, et que tu stationnes, vous visitez des ruines qui ne sont pas découvertes, donc qui sont plus couvertes de terre, les arbres poussent encore dessus, et quand tu reviens au campement et tu dors. Sauf qu'il y a eu des grandes vagues dans la lagune, on n'a pas pu passer avec la pirogue, on est revenu vers une petite tribu, on a attendu que la nuit tombe, on est retourné dans la lagune, les vagues étaient aussi grosses, alors finalement on a campé sur le bord, et puis dans la nuit on s'est fait réveiller par ce genre de bébite. Cela fait partie de ce qu'un humain normalement devrait vivre pour pouvoir goûter à la vie et pour pouvoir perdre des vies. S'il a un mental suffisamment conscient, l'humain ne perdra pas de vie, l'humain va digérer des parties de l'anti-homme et l'humain va extendre sa vie, l'humain rajeunit. Bon, de quelle façon... Une personne peut-elle digérer inconsciemment? Non, voilà. De quelle façon une personne digère, l'individu doit implicitement être présent lors de l'événement. Alors, si l'individu n'est pas présent lors de l'événement, si l'individu est totalement inconscient, ou l'individu est sans connaissance, ou quelque chose du genre, l'individu sous l'effet de l'alcool, sous l'effet de drogue, l'individu ne se sert pas de l'expérience. L'expérience crée une égoïsation, elle augmente le volume dans l'ego. L'expérience peut créer un stress, comme elle peut créer un phénomène qui pourra servir de nostalgiseur plus tard, mais l'individu ne se sert pas de cela. Donc, l'individu, pour digérer une vie qui tend, une partie de l'anti-homme qui tend à se détacher, le transmuer en quelque chose d'autre, doit être totalement conscient. Donc, il doit avoir un mental suffisamment maître lorsqu'il vit l'expérience. Moi, je me rappelle, à l'époque du dinosaure, je m'étais levé, j'ai voulu aller poser la question au descendant, au guide, qui dormait dans sa pirogue sur l'eau avec ses enfants, et j'ai marché lentement. Les arbres dans la région ont tous des épines, les feuilles, les troncs, tout. Alors, j'ai marché lentement pour ne pas me blesser. Et par deux fois, j'ai découvert que mon corps physique courait. Alors, j'ai arrêté le corps. J'ai compris qu'un individu qui se perd en folie quand il revient au campement, il est couvert de sang comme si 300 monstres l'avaient attaqué, mais c'est les arbres. J'ai continué à marcher lentement et je suis arrivé en courant à la pirogue. Et pendant que mon mental essayait de comprendre, de situer le bruit, le corps physique, lui, paniquait d'une panique biologique, ancestrale. Vu que j'étais totalement conscient, je peux me servir de l'expérience. Quand je demande au guide ce que c'est, non, je lui demande si c'est un animal. En même temps, mon mental dit que c'est quand même pas de pelle mécanique, niaiseux. Donc, je reste conscient de ce qui se passe. Lorsque le guide me dit s'il n'y a pas de danger, je constate qu'il est couvert par-dessus la tête. Et il me dit par la suite que c'est les lamentations du jour qui se lève. Alors, mon mental dit à mon ego, et là, je commence à m'amuser, ce qui est utile. Ah bon, il n'y a rien là, c'est le jour qui se lamente en se levant. Et là, je marche conscient jusqu'à la tente. Bon, je rentre dans ma tente, je dis à mon collègue que c'est le jour qui se lamente en se levant. Et en même temps, mon mental décode que c'est les lamentations d'un animal qui hurle au lever du jour. Étant donné que je suis totalement conscient de la mécanique, il n'y a pas de problème. On entend les animaux qui passent à côté de la tente, qui se garochent vers la lagune pour fuir. Moi, le mental avait suggéré de prendre la pirogue et de s'en aller au milieu de la lagune. Mais il y avait encore des grandes vagues, donc je me suis même vu noyer. Donc, pas intéressant. Parce que l'humain reste conscient, il intègre. Si l'humain n'est pas conscient dans son expérience, il n'intègre pas. Dernièrement, je me suis amusé, c'était bien, j'écoutais Pierre Pascoe à la radio, je m'en allais à Chicoutimi avec mon automobile, je dépasse une remorque, une semi-remorque, et il n'avait plus un petit peu dans la région, et ça ne paraissait absolument pas sur l'asphalte, mais l'asphalte était recouverte de glace, une glace extrêmement vive. Après avoir traversé le semi-remorque, je signale pour reprendre ma voie, mais comme on est au Québec, les autoroutes sont creusées par l'emplacement des passages des roues des camions. Quand l'automobile commence à se tasser, le pneu avant descend là-dedans. Descendant là-dedans sur la glace, ça tire le devant vers la droite. Et l'auto s'est ramassé complètement de travers à la voie. Et puis, je glissais sur le côté aussi vite que la vanne venait vers moi. Alors, j'étais avec ma femme qui m'a demandé qu'est-ce qui se passait. Moi, je lui ai dit qu'il n'y avait rien là de se tenir. Et on s'est ramassé face à la vanne. Donc, on reculait. Et mon ego a failli faire ça au chauffeur. Parce que c'est intéressant comme expérience. Le chauffeur n'aurait pas compris pas tout comment un gars peut prendre le temps de faire des conneries comme ça lorsque son auto recule à 140 km à l'heure sur la voie. Et par la suite, le mental a légiféré, et puis c'était évident, la conclusion, c'est que je ne devais pas frapper une plaque d'asphalte, parce que je ralentirais, et la semi-remorque me rattraperait. J'étais sur le côté où j'ai dépassé, donc si ça allait comme ça, elle passait à côté de moi. Évidemment, le bonhomme, lui, avait lâché son gaz, il freinait pas non plus, c'était suffisamment professionnel pour pas faire de l'accident. Et j'ai reculé assez longtemps pour finalement réussir à ramener l'auto dans le bon sens. Et par la suite, ce que j'ai trouvé à dire à Gloria, c'est que avec tout ça, on a manqué Pasco, parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant qui était en train de compter. Et je n'ai pas perdu de vie, j'étais totalement mental, totalement conscient. J'ai fait des choses que je ne fais pas normalement. Je suis sorti à l'extérieur de l'automobile pour pousser l'automobile sur le bon côté puisque j'étais en avant du camion. Mais est-ce que cela arrive seulement lorsque les sept vies, en parenthèse, sont éliminées? Ou c'est chaque événement comme ça les élimine? Chaque événement comme ça fait que tu les ingères. Si tu es mentalement présent et tu perds une vie si tu n'étais pas présent, donc tu raccourcis ta vie biologique. Et un individu qui a fusionné ses différentes vies, donc qui n'évolue que dans un seul monde, lorsqu'il vit ce genre d'expérience, il est conscient, mais ça ne change pas sa vision. Il ne sécrète pas, il en profite pour s'amuser. Alors qu'un humain conventionnel aurait crié, il en aurait sorti des affaires pour trouver ce con, stupide, tout ce que tu voudras, alors que gratuitement, c'était plus plaisant que toutes les manèges de la ronde. Alors ça dépend toujours des points de vue. Comment est-ce que tu expliques que la moyenne de vie, mettons au Canada, est 60-65 ans, puis dans des pays comme dans les Andes, les gens peuvent vivre jusqu'à 120 ans? Pour la simple raison que dans certains territoires planétaires, il n'y a pas eu suffisamment d'humains, il n'y a pas eu de guerre, pas suffisamment de guerre, il n'y a pas eu suffisamment d'évolution dans l'astral, ce qui fait que les individus qui sont là ne sont pas suffisamment hantés, démolis par les conditions astrales. On a beau parler des conditions de pollution et des conditions de santé, c'est évident que ça a une incidence. Si plus on est propre sur la longévité, plus on est pollué sur le raccourci de la vie. Par contre, dans beaucoup de pays sous-développés où j'ai été, ils mangent mieux qu'on mange, et ils vivent mieux qu'on vit, mais ils sont tous très religieux, d'une religion qui les culpabilise, et ils meurent tous entre 30 et 45 ans. Dans les régions comme les Andes, l'être humain n'est pas dans une région extrêmement astralisée. C'est une région qui est beaucoup plus yan plutôt que yin. C'est un yan yinique, c'est un yan froid. Alors que dans les jungles où j'ai été, c'est un yin yinique dans la majorité des cas. Sinon, yin yinique, s'il fait très chaud. Et ça détruit l'humain. Alors, plus il y a d'astral dans l'humain, plus il y a de personnalité réincarnationnelle dans l'humain, plus ça diminue la longueur de vie. Évidemment, on parle aussi des maladies. Dans les Andes, étant donné le climat, il y a des microclimats intéressants, mais les microclimats sont protégés par le climat général. On n'a pas de mouches tsetse, on n'a pas de malaria, on n'a pas de ce genre de grande épidémie. Donc, la psychologie, l'astral réincarnationnel des humains de cette région, n'ayant pas connu de mortalité rapide pour rien, ils ne détruisent pas les corps physiques par réincarnation, comme j'expliquais tout à l'heure. Les parents ne détruisent pas le corps de leurs enfants avec le même rythme qu'on peut le faire nous. Uniquement parce que la moyenne de mortalité étant très âgée, on conserve le corps, si possible, jusqu'à temps que ces personnes puissent se réincarner. Alors, la base de ce que tu expliques, c'est l'hérédité, la mémoire héréditaire dans les cellules, qui font partie du corps humain, de chaque corps. C'est-à-dire qu'il y a un problème magistral que l'humain, qui, dans toutes les structures d'évolution que l'humain n'a pas vu, malgré que dans la conscience populaire, c'était connu, on doit s'arranger pour, si possible, devenir immortel physiquement. Oui. Le grand problème de l'homme, de la femme, c'est que bien souvent, il acquiert suffisamment de désillusions, on appelle cela de la sagesse, de désillusions pour pouvoir commencer une évolution réelle, mais lorsqu'il a acquis suffisamment de désillusions, le corps n'est plus capable de poursuivre une vie. Le corps est trop abîmé. Donc, il devrait y avoir certaines façons de revenir à empêcher le vieillissement corporel. La grosse problématique, c'est qu'étant donné que nous sommes reliés au canal réincarnationnel au monde de la mort, il y a chez nous des réincarnations 24 heures sur 24 qui viennent nous hanter. Mais ces réincarnations sont comme du lait. C'est-à-dire que le lait peut être toxique, le lait peut être convenable. Nous avons besoin de l'énergie pour pouvoir non seulement maintenir notre structure, mais en plus pour pouvoir augmenter, c'est-à-dire énergifier ce que nous sommes et augmenter notre potentiel de recevoir de plus en plus d'informations intelligentes, donc d'informations énergisées, intelligence prémentale. La problématique, donc, c'est que si l'on étrangle le canal réincarnationnel, l'ego se suicide. C'est pas long qu'il tue le corps physique. Si on a un ajusteur de pensée opérationnel, fonctionnel, au-delà du plan moronciel, à travers le monde de la mort, dans le phénomène supramental, nous avons accès à l'énergie. Par contre, étant donné que nous sommes reliés maintenant à une source énergétique qui n'est pas planétaire, donc qui n'est pas astralisée, donc qui ne nous tuera pas, selon le standard habituel, nous pouvons étrangler le canal réincarnationnel totalement et même nous en déconnecter. Étant déconnectés, nous sommes totalement désassujettis de la manipulation directe dans l'âme du monde de la mort. Mais parce que nous avons un corps physique, il y a maintenant une chose qui n'avait jamais été conscientisée, à part depuis peut-être une semaine ou deux, dans le contexte planétaire, c'est qu'il y a aussi une grande partie de la réincarnation qui manipule l'humain, qui ne provient pas du canal réincarnationnel, qui ne provient pas de l'imprégnation par l'extérieur, mais qui provient du corps physique. Donc, la majorité des ancêtres s'incarnent à même notre code génétique et malgré que nous soyons, par exemple, en contact supramental total, que nous ayons un canal réincarnationnel totalement coupé, nous continuons à recevoir de l'information réincarnative et finalement, nous continuons à vivre un peu comme nos parents ont déjà vécu. Nous pouvons progressivement devenir malades comme ils ont été malades et nous allons vieillir et mourir comme ils ont vieilli et comme ils sont morts. Ça veut dire ce qui est plus dangereux, ce qui nuit plus à la continuité de la vie de l'humain. C'est tes parents. Les ancêtres héréditaires seulement. Oui. Alors, nos parents, je ne parle pas du père et de la mère, je parle des parents du corps physique, de ceux qui, à travers le terre, engendrent le corps physique, nos parents, sont la source même de notre mort. Autrement dit, chaque fois qu'un adulte, qu'un parent engendre la vie, dans cette vie, il a inscrit la mort. Exactement comme si on dirait que nos parents seraient totalement frustrés de savoir que nous sommes devenus immortels. Et inconsciemment, la mécanique fait qu'ils implantent, l'ego implante la mort dans le corps. La mort, selon une normalité, le vieillissement, la maladie, l'affaiblissement. J'ai déjà parlé souvent en conférence de l'absurdité de cette mécanique qui fait que si on prend une cellule sur un corps humain, la cellule, elle va se multiplier. Vivre éternellement. Si on prend la cellule et on la remet dans le corps humain, après un laps de temps, elle va flétrir, elle va sécher, elle va vieillir, elle va mourir. Et les expériences ont déjà été faites souvent sur des corps d'animaux, sur des parties d'animaux, et ça vivait 10, 20, 30 fois plus longtemps que l'animal lui-même. Et on n'a jamais vu la mort. Ça peut mourir par intoxication, par manque d'alimentation, mais ça ne meurt pas de par lui-même. Alors que dans un corps le moindrement complexe, même si tu alimentes et que tu énergises bien, même si tu nettoies bien, ça meurt. Alors, il y a une mécanique, c'est celle de nos ancêtres. Dans notre code génétique, il y a la mort. Chaque cellule détient notre mort. Mais est-ce que c'est dû à l'ego qui ne s'autorise pas à ne plus mourir? Ou c'est d'autres choses? Premièrement, l'ego ne peut pas s'autoriser à ne plus mourir parce que l'ego est bâti à partir d'une mémoire expérientielle. L'ego peut espérer être immortel sans jamais vouloir être immortel. Donc, l'ego qui espère tue. Mais en plus, le corps physique lui-même est une machine programmée pour exploser, pour mourir. Mais ce que je comprends pas, c'est que les ancêtres qui se réincarnent avant, cellulairement, avant de mourir, ils ont procréé avant de mourir. Alors, il n'y avait pas l'expérience de la mort. Cellulairement, peut-être par un autre canal, celui qu'on croyait avant. Non, parce qu'ils sont eux-mêmes investis de mort. Comment? Il y a eu une époque dans le passé où les enfants mouraient très jeunes. L'adulte vivait 8-9 ans. Et si on retourne en Lémurie, il y avait une reproduction qui était hermaphrodite. Et donc, on avait une reproduction par séparation, par terme de genre. L'humain n'était pas aussi complexe dans sa cellularisation, c'est-à-dire dans le contexte cellulaire. Donc, déjà là, on avait une expérience où les êtres mouraient très jeunes par accident, par manque de nutriments, par prédation. Il y a des prédateurs. L'expérience de la mort commence là. Cette expérience va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui où on aura évidemment un corps plus complexe, où il y a une mortalité infantile extraordinaire, donc l'enfant déjà est prêt à mourir, où on a une mortalité à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, mais avant c'était 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. L'humain a tellement expérimenté la mort à tous les jours que finalement cette mort est transmise, elle est là. Le monde de la mort a besoin d'un corps physique qui un jour sera vieux et malade pour pouvoir s'incarner. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau familial, ton père, comme vos parents, votre père, votre mère, et même s'ils sont encore vivants, et vous, face à vos enfants, mais c'est inconscient, culpabilisez-vous pas pour ça, je vous explique la mécanique. Tout à l'heure, je disais à Daniel qu'il y a des choses qui sont dangereuses à dire parce que des fois, émotivement, les humains ne les comprennent pas. On en parle quand même pour l'instant. Ce qui arrive, c'est que ton père a 30 ans, présentement ton père a 50 ans, mais quand ton père avait 30 ans, il vivait. Et ce père-là de 30 ans ne peut plus vivre. Et ce père-là de 30 ans est quelque part déjà cellularisé chez toi, et il attend la possibilité de pouvoir posséder le corps physique et le transformer comme il était lui à 30 ans pour pouvoir se retrouver dedans. Mais bien entendu, il y a toi avec lui. Et il y a les mémoires expérientielles, qui sont en affinité avec ce que ton père a vécu, mais différents à cause du contexte temporel. Et donc, il y a toi qui va dévier, c'est-à-dire que ton père ramène le corps exactement comme le sien l'était à 30 ans, mais toi, tu dévies ce retour. Alors, ça ne donne pas ce que tu devrais être, ça ne donne pas tout à fait ce qu'il a été, mais c'est une coloration entre les deux. Par contre, ce qui va arriver, c'est qu'à 31 ans, ton père, la mémoire, ce que ton père a vécu à 31 ans, elle atteint elle aussi, de pied ferme. Quand ton père de 30 ans va être parvenu à ramener ton corps vers ce qui lui permet l'expression, c'est le bonhomme de 31 ans là qui va commencer à travailler. 32 ans, 33 ans, 34 ans, 35 ans, tu vieillis, 36 ans, 37 ans, 38 ans, 40 ans, 50 ans, ils t'attendent tous de pied ferme pour ramasser ton corps, jusqu'au petit vieux un petit peu croche, qui est sénile un peu, qui gueule tout le temps, qui prend ses médicaments, que tu vas sans doute devenir. Maintenant, la problématique, c'est que dans ta tête, comme dans beaucoup de cerveaux ici, il y a des mentales. Le mental ne vieillit pas. Votre mental ne vieillira pas. Il peut être omnibulé, donc il peut être obscurci. L'astral vieillit, pas le mental. Alors, il vient à un moment donné où le mental, restant très, très, très vif, se regarde dans le miroir, et à un moment donné, sans trop savoir pourquoi, il a mal dans les jointures, mais il a toujours entretenu son corps. Il commence à avoir de l'arthrite. Pourquoi? Parce que les parents ont eu de l'arthrite. Puis là, le bonhomme a ta main. Il est en train de la transformer pour pouvoir être dedans, pour avoir des raisons de chialer, des raisons de souffrir, de l'occupation à faire, quelque chose. À un moment donné, tu commences à avoir un nouveau tic. Oui, ton père avait ce tic-là à cet âge-là. Bon, alors tu commences à l'avoir, ça apparaît. Il y a toute une phénoménologie de réincarnation intracorporelle qui provient de l'intérieur. Alors, on n'a même pas à couper en haut quoi que ce soit, on est fait jusqu'à la tombe des os. on se fait vieillir par ceux qui nous ont donné la vie. La problématique là-dedans, c'est que notre mental restant lucide, restant clair, après avoir chialé que tu n'étais pas sur la bonne planète, un jour, tu chialeras que tu n'es pas dans le bon corps. Et ce sera vrai. Tu n'es pas dans le bon corps. Est-ce qu'il existe un bon corps dans l'univers pour toi? Non. Donc, tu es pris dans ce corps. Oui. Mais alors, je pourrais muter mon corps si, gardant la même forme, je pourrais le muter. Si, par exemple, à toutes les 7 heures, je change mon sang complètement, sans avoir eu de transfusion, c'est possible de faire la même chose avec le reste, avec les os et la peau et tout le reste? C'est-à-dire que quand on change son sang à toutes les 7 heures, on change son sang un peu avant ça, ça dépend encore des corps physiques, mais en réalité, ce que ça veut dire, c'est que l'espérance de vie des cellules sanguines, d'un globule rouge, d'un globule blanc, etc., est limitée. Présentement, toi, il y a 2500 globules rouges qui viennent de mourir. La moelle de certains de tes os en fabrique d'autres. Donc, on peut considérer qu'après 7 ans, tous tes globules que tu avais avant ont tous été changés. Mais ce changement se fait, c'est pas, ça fait 7 ans, pouf, ils meurent tous, pouf, ils reviennent tous, pfiou, attends, il y a gêné changé. C'est que ça va se changer régulièrement, donc il n'y a pas d'âge pour déterminer quand ça commence. Tu vas dire, oui, bien, si je suis venu au monde, donc à 7 ans, j'ai tout changé. C'est le sang de ta mère. Le sang de ta mère qui a commencé chez toi, était déjà en changement avec, ça se poursuit. Tu n'as pas ton propre sang, c'est le sang de ta mère qui te mène avec toi. Et il va venir un temps où, effectivement, tu n'auras plus de traces du sang de ta mère. Mais ça s'est fait d'une façon tellement graduelle que l'imprégnation s'est faite de toute façon, ce qui fait qu'on ne peut pas considérer que tu as changé grand-chose. Alors, l'être humain, lui, au niveau de sa conscience mentale, au niveau, par exemple, de muter le corps physique, on peut muter le corps physique, c'est d'ailleurs la solution. C'est se mettre au monde. Donc, ne plus avoir aucune correspondance génétique avec ses parents. Comment savoir que la mutation est commencée? Je parle physiquement. Bon, physiquement, tu dois observer si dans ta lignée mâle, la lignée parentale mâle, si la majorité des symptômes qu'ils ont, ou qu'ils ont normalement à ton âge, ou 10 ans avant à 10 ans après, mais grosso modo, si les symptômes biologiques, tu les as. Alors, je te pose la question, dans la famille mâle du côté de ton père, est-ce que beaucoup sont chauves? Non. Bon. Si la majorité ne le sont pas, cela veut dire que physiquement, tu te désassujettis de leur lignée familiale. Oui, mais c'est parce que héréditairement, j'ai les deux côtés. Sur les deux côtés, héréditairement, sauf que ce qui prédomine, c'est surtout le côté mâle pour le mâle, le côté femelle pour la femelle. Tu peux avoir certaines caractéristiques des parents de ta femme, mais tu auras la majorité des caractéristiques sur celles de ton père et de leur lignée familiale. Maintenant, pose la question. Dans le côté de ta mère, est-ce que la majorité des mâles sont chauves? Plusieurs, oui. Bon. Maintenant, ils sont chauves où? Ils sont chauves comment? À partir de quel âge? Des choses qu'une personne peut aller voir. Ça ne vaut pas la peine de commencer à faire des statistiques. Un être humain va découvrir qu'il a une tendance à se séparer de la génétique lorsque des caractères neufs apparaissent chez lui. Bon, est-ce qu'ils ont tous un visage similaire au tien? Est-ce qu'ils ont tous un regard similaire au tien? Est-ce qu'ils ont tous une parole similaire à la tienne? Est-ce qu'ils ont... Bon, alors, il faut vérifier plusieurs facteurs qui font en sorte qu'à un moment donné, on peut effectivement se rendre compte. C'est-à-dire, oui, mais il y a déjà eu un dans la lignée qui, soit. Mais on peut se rendre compte, pareil, qu'on est marginal comparativement à sa lignée génétique. Ce qui va arriver progressivement, c'est que l'individu doit muter suffisamment sa corde, sa structure biologique, donc sa corde matérielle, pour ne plus être assujetti du tout à la mécanique héréditaire des parents. Autrement dit, ce que l'on doit faire, c'est que chez soi, pas dans sa maison, dans son corps, on doit tuer tous ses parents, tous ses ancêtres. Ça, mais comment? En les digérant. C'est bon, hein? Ben, je sais que si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose à faire, je suis convaincu de ça. Mais là, j'aimerais bien savoir quoi faire, là. Digérer, mais comment? Bon, c'est évident que plus l'être humain est lucidement conscient d'être là, ce qui n'est pas le cas même dans bien des gens qui évoluent, parce qu'ils oublient toujours qu'ils doivent penser à être conscients d'être là. Et il y en a d'autres qui pensent être conscients d'être là, alors qu'il faut être conscient d'être là. Beaucoup de personnes savent ce que c'est que la démarche flottante. On doit continuellement, lorsque l'on bouge, lorsque l'on fonctionne, percevoir le mouvement corporel. Les individus, beaucoup savent ce que c'est que menphiser. Menphiser, ce n'est pas apprendre des muscles. On doit apprendre les muscles, leur localisation, de façon à être capable par la suite de faire de la menphisation. L'individu qui a la capacité, une fois qu'il connaît bien son corps physique, son système musculaire, de déplacer sa conscience dans le corps physique par le contrôle très localisé de certaines parties musculaires, parce que l'anatomie, c'est le début, par la suite, c'est un travail qui est beaucoup plus occulte, ésotérique. L'individu qui fait cela est un individu qui mute. Il digère certaines choses, c'est-à-dire qu'il implante dans son corps physique du mental. Menfi veut dire mental vers le physique. C'est mental contrôlant le physique. Une fois que tu connais ta structure musculaire, tu contractes une partie du deltoïde, une partie, pas le deltoïde au complet. En contraction menfique, cela veut dire qu'il n'y a pas de mouvement. Tu contractes juste la partie périphérique d'un membre. L'intérieur, là, tu ne contractes que la partie périphérique de ton corps physique à une vitesse intéressante, ce qui va engendrer progressivement, si tu ne contractes que les muscles périphériques, ce qui va engendrer progressivement, et là on contracte dans un mouvement circulaire, ce qui va engendrer progressivement un déplacement circulaire d'énergie vitale. Ce déplacement circulaire d'énergie vitale crée une espèce de halo autour du corps physique qui amène différents symptômes très intéressants. L'individu qui fait cela implante du mental dans sa structure cellulaire. Donc, il a tendance à muter le corps physique, donc à menphiser. Il a tendance à changer le code cellulaire de la génétique de ses cellules en venant implanter une autre forme, celle du mental, qui est lui, sa propre lucidité. Alors, progressivement, il aura accès à un corps physique, à un contrôle physique, à une perception physique et à une perception vitalique que la famille n'a pas. Il est différent par l'entraînement. Bon. Par la suite, l'individu sera aussi capable de cicatriser des plaies. Une expérience magnifique est intéressante. Tu te coupes légèrement, tu te places en menphisation et tu t'arranges pour accélérer le processus de cicatrisation. Pour faire cela, cela implique que tu vas mettre suffisamment d'énergie dans une région localisée du corps physique, d'où le mode de contrôle du mental. L'ego ne peut le faire. L'ego va penser au saint machin, c'est-à-dire que l'ego étant extra-corporifié, nécessairement le corps peut se démerder maintenant pour réparer, c'est pour ça que ça va plus vite. Tant que l'ego est là, ça nuit. Mais ton mental vient, et maintenant tu vas recoudre. Tu contrôles l'évolution de certaines cellules, de lymphocytes, tu contrôles différentes choses, parce que premièrement, tu as mis l'information dans ton ego. Alors il a fallu que vous appreniez, d'une façon très plate, différentes mécaniques biologiques. Et par la suite, quand une personne menfie suffisamment, il n'a même pas besoin d'avoir vu des cellules. Il va les reconnaître. Il est là. Alors, il n'est pas présent ici, puis il perçoit là-bas. Il est présent là. Et là, il contrôle la structure, donc il induit une mutation dans la gestion de cicatrisation corporelle. Cela fait en sorte que progressivement, il crée une nouvelle expérience dans le corps physique qui, cellularisée, va lentement démolir, néotyper les vieilles structures réincarnées. C'est la façon actuelle de faire des choses pour parvenir à une extension de vie biologique. Ça ne vous évitera pas un accident mortel, mais ça va vous éviter le vieillissement mortel. L'individu doit être totalement en conscience, style démarche flottante, il doit être en mouvement flottant, conscience d'une énergie vitale, perception des sens vitaliques, mais régulièrement. Une personne dernièrement disait qu'elle n'avait pas le temps de pratiquer sa manifestation parce qu'elle se cherchait un emploi. Donc, elle n'a pas le temps de manger, elle n'a pas le temps de péter, elle n'a pas le temps de parler, elle n'a pas le temps de dormir, elle n'a pas le temps de se tourner de bord dans son lit parce qu'elle se cherche un emploi. Mais c'est les récupérations au niveau de l'astral. La personne se cherche un emploi, elle n'a pas le temps de manifester. Mais tu manifestes quand tu te couches, tu manifestes avant de te lever, tu manifestes quand tu es assis. Tu peux manifester en pleine course, là, mais au minimum. Oui, mais je suis trop fatigué pour manifester. Exactement, je suis trop fatigué pour me reposer. Là, OK, là, fait que laisse-moi à paix. Mais il faut qu'à un moment donné, l'humain, le mental de l'humain, prenne le dessus. Merde, la vie, elle doit servir. Elle ne doit pas simplement s'écouler entre nos mains, disparaître, on est fait. Ça ne sert à rien de chercher un emploi si de toute façon, tu ne vis pas. Donc, l'individu qui veut muter son corps physique doit être conscient du corps mentalement. Alors, lentement, il implante, il crée des implants dans la structure astrale et il implante du mental dans le corps physique. Deuxièmement, tous les individus qui veulent se conscientiser, qui veulent parvenir à quelque chose de solide et d'intéressant, parce que ça peut être très intéressant, la vie, doivent m'infuser. Ils doivent m'infuser 24 heures sur 24, oui, mais ils doivent m'infuser minimum quotidiennement. C'est-à-dire qu'ils doivent prendre une partie du temps que la planète leur alloue pour se retrouver maître chez eux. Déjà qu'on perd le reste du temps. Ça, ce sont les façons qui sont immédiatement applicables pour n'importe quel humain. J'ai menfisé, moi, dès l'âge de 6 ans. Je ne l'appelais pas ça menfis, je ne connaissais pas tout l'affaire au complet. À 9 ans, j'ai appris toutes les techniques du Hatha Yoga qui existent, les techniques les plus complexes, les autres ne m'étiraient pas suffisamment, pour finalement passer au Tai Chi, pour finalement passer à des techniques plus évoluées qui sont menfis. Et à un moment donné, ton corps est tellement cellularisé qu'il menfise mécaniquement. Tu es vivant. Ça nous permet, ça nous donne l'avantage de transformer suffisamment la structure interne cellulaire pour repousser le vieillissement. Mais ça ne nous permet pas d'être immortel, ça ne nous permet pas non plus de rajeunir. Ça va nous permettre de rajeunir d'une certaine façon, mais la majorité des individus, ça peut permettre de rajeunir, mais l'individu ne pratique habituellement jamais suffisamment pour en arriver jusqu'au rajeunissement. Quand je parle du rajeunissement, je ne parle pas que tu as 3 ou 4 rides qui s'en vont. Non, je parle que tu rajeunis. Ce rajeunissement, tu l'arrêteras à un niveau. Tu peux redevenir un bébé. Je parle de rajeunissement. L'individu qui a de la difficulté à accepter l'idée de rajeunir jusqu'à avoir 12 ans, biologiquement et endoformiquement, c'est un individu qui n'est pas capable non plus d'accepter l'idée qu'un enfant de 12 ans peut parvenir à avoir 40 ans. Parce qu'on mange quelque chose. Dernièrement, j'ai parlé à mon ego et je lui expliquais la mécanique. Et puis mon ego me disait, oui, mais quand tu manges, tu additionnes à ton corps. Donc, je comprends qu'en mangeant, tu puisses grandir ton corps. Alors, le mental lui pose la question, c'est toujours l'ego qu'il faut convaincre. Le mental lui pose la question pour savoir quel paramètre il a l'ego. Oui, mais comment se fait-il que lorsque tu manges, tout le corps grandit en même temps sur tous les azimuts? Que c'est pas une main qui se met à avancer comme ça sans arrêt. Pourquoi qu'un enfant d'un an n'a pas un bras de 20 pieds de long? Tout a grandi là. Le reste de l'enfant est resté tout petit. Et là, l'ego répond, c'est à cause de la codification génétique. Bon, la codification génétique, c'est quoi? C'est quelque chose qui force des forces naturelles à venir s'orchestrer d'une certaine façon. En fonction de ce qui s'incarne, en fonction de ton expérience psychologique, hein, les lignes de la main, ça donne une partie de la psychologie, la caractérologie, même chose, donc il y a une altération. Je pose la question, quelqu'un qui est extrêmement obèse, peut-il maigrir? On va dire oui. Donc, il doit en ôter. Tu comprends comment on peut en mettre, tu ne comprends pas comment on peut en ôter. Comment pouvons-nous rajeunir jusqu'à l'âge de 12 ans? C'est une bonne âge. Pour arrêter. Comment? En ôtant, mais comment on va en ôter? Revenons juste à la première idée. En rajouter, pourquoi vos dents ne poussent plus rendu à un certain âge? C'est une bonne question. Pourquoi à un moment donné, il y a de l'ostéoporose au niveau des os? Pourquoi il y a différentes maladies comme ça? Alors, mon ego ne pouvait plus trop expliquer. Parce que l'ego a vu grandir, il dit, c'est normal. Parce que l'ego n'a jamais vu rétrécir, alors là, il ne comprend pas. Mais finalement, ton ego ne comprend pas plus comment tu fais pour grandir, comment un arbre fait pour pousser, que comment un arbre peut faire pour devenir une graine. L'ego ne le comprend pas. Mais il y a des ruses, des maudites ruses. L'arbre grandit, devient des graines, les graines tombent à terre et l'arbre s'en va. Alors, on est capable de le faire. Toi, tu deviens mature, tu vieillis, tu crées des enfants, tu t'incarnes dans ces jeunes et lentement, tu meurs. Tu es capable de rajeunir. Mais la question qu'il faut que je pose, la chose qu'il faut que je dise souvent à l'ego, c'est qu'un jour, si le corps rajeunit, ça ne sera pas par les voies normales. Je ne veux pas renaître d'une mère. Là, j'aurais rajeuni. Mais c'est pas ça le principe. Pourquoi? Parce que le temps où tu gagnes le monde de la mort, tu perds énormément de structure. Moi, je ne gagnerai pas le monde de la mort, mais c'est le phénomène au niveau de l'ego. Mon ego va gagner le monde de la mort. Tant pis pour lui. Il n'a qu'à comprendre. Alors, lentement, on pose la question. Il faut premièrement que l'ego accepte l'idée qu'il est possible de ne pas vieillir. Autrement dit, l'ego doit accepter l'idée qu'il est possible d'être marginal, de ne pas être normal. Deuxièmement, l'ego doit accepter totalement l'idée que que le vieillissement n'est pas la voie, l'aboutissement, et que nous ne devons pas vieillir. Mais l'ego doit aussi ne pas devenir impatient aux rides qui commencent à apparaître, aux apparents symptômes de vieillissement. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Les rides que vous avez, les hommes, la perte des cheveux, bon, un bouton qui apparaît, des petites choses comme ça, les cheveux qui deviennent gris, est-ce que ce sont des symptômes de vieillissement ou non? Ou si ce ne serait pas, par hasard, des symptômes d'implant astral que nous avons alliés, que nous avons rapprochés du vieillissement? Quelqu'un dont les cheveux deviennent blancs est-il un être qui vieillit? Dans notre société astrale, oui. Mais ça n'a peut-être aucun rapport. Dans une de notre société, celui qui commence à avoir des rides, est-ce que c'est celui qui a trop d'ego à supporter? Ou c'est quelqu'un qui vieillit? Bien, il y a une maudite nuance entre un et l'autre. Mais on a toujours rapproché les deux. Alors on dit, comment tu vieillis? C'est dans ces derniers temps, tu as vieilli ces deux dernières années. Tu as les cheveux gris, tu as perdu un peu de cheveux, la femme commence à avoir une moustache. Etc. Ce n'est pas des signes de vieillissement. Ce sont des signes psychologiques d'implant. Mais parce que nous sommes normales, quand nous avons ça, nous nous disons, merde, je vieillis. Et là, les personnes plus âgées t'incarnent. Au niveau du corps, ils ressortent, puis on te vieillit. Mais c'est pas ça qui fait dire que tu vieillis. Alors, que toi, la pilosité que tu n'as pas sur la tête, est-ce que ça veut dire que tu vieillis? Pour beaucoup, beaucoup de mâles, oui. Rien à voir. Les cheveux blancs, rien à voir. Il y a des transformations corporelles qui se font selon un standard normal, naturel, biologique, idiot. Ce n'est pas du vieillissement. Donc, on doit convaincre notre ego. Alors, vous devez faire le travail. Pas vous convaincre. Vous devez convaincre votre ego que de toute façon, si la science ne peut pas prouver ni expliquer pourquoi un enfant devient un adulte, ça ne se peut pas. Pas selon le standard normal de la science. La science, elle va expliquer que ça se fait. Elle ne peut pas expliquer pourquoi ça se fait. Bon, si tu n'arroses pas une graine, bien, ça a besoin d'eau, ça ramasse des minéraux, les minéraux se placent, ça crée des cellules et ça fait pousser une plante. Pourquoi? Ben, voilà, la science, elle décrit un phénomène, elle n'explique rien. Ne pouvant rien expliquer, nous pouvons aussi nous passer d'explications de bord. Et décrivons aussi maintenant la mécanique inverse, néotypons le phénomène. Si ça ne fonctionne pas, vous allez mourir. Mais si ça fonctionne, c'est la seule chance qu'on a d'éviter une mortalité corporelle inutile. Et je sais que ça se fait. Alors, ce qu'on doit faire, c'est convaincre l'ego qu'effectivement, à partir d'un certain temps, bien maintenant, là, je suis rendu trop avancé dans une vision biologique, je vais maintenant me diriger à l'opposé. Il y a une partie où on doit freiner le vieillissement, démarche le temps, fait conscientisation vitale, menfi. C'est l'une des voies les plus parfaites qui existent sur la planète pour l'instant. Et à un moment donné, on doit trouver un moyen, une mécanique pour devenir totalement rétrograde et non pas cesser de vieillir, ce que Menfi peut donner, mais commencer maintenant à rajeunir complètement toute la structure biologique tout en restant ce que nous sommes. Le fait de ne pas vouloir vieillir, bon, mentalement, je me trouve des raisons intelligentes pour rajeunir ou du moins ne plus vieillir. Mais je vois quand même que l'ego récupère très rapidement, puis c'est l'ego qui ne veut pas vieillir finalement, qui va trouver toutes sortes de ruses pour l'éviter. Éviter, pas de l'éviter, mais éviter le vieillissement. Pourquoi ce ne serait pas... Puis il y a une dualité entre l'ego qui veut foutre le camp de la planète parce qu'il trouve que ça n'a plus d'allure, puis c'est pas fait pour, c'est pas son monde. Pas le monde dans lequel vit l'ego, parce que c'est encore l'ego qui récupère toujours. Puis, de l'autre côté, elle veut pas mourir. Et puis, je me demande pourquoi, et que je suis convaincu, c'est pour tout le monde, pas seulement pour moi, que c'est l'ego qui veut, qui s'obstine à pas vouloir vieillir. Bon. Mourir. Non, l'ego accepte facilement le vieillissement. L'ego veut espérer ne pas mourir, il acceptera facilement la mort. L'ego veut espérer ne pas vieillir, il accepte facilement le vieillissement. On a beaucoup d'égo qui ne veulent pas mourir, qui ont déjà fait des tentatives de suicide. Puis qui en feront peut-être d'autres. Alors, c'est comme beaucoup de choses. L'égo veut espérer. Il ne veut pas avoir le résultat. Le mental, lui, ne voit pas l'intelligence de la mort. Si ton égo récupère l'idée, si ton égo décide de ne pas vouloir vieillir, ce n'est pas mauvais, parce que ton égo va maintenant... Et donc, l'égo vient d'accepter l'idée. Tu as réussi à convaincre ton égo que ça se pouvait. Mais l'égo va tout faire pour le créer, ça. Et l'ego faisant tout pour le créer, il va l'empêcher. Donc, pour que maintenant l'ego ne puisse pas l'empêcher, donc que l'ego ne fasse pas tout pour rajeunir, en l'empêchant, il y a beaucoup de personnes qui, leur façon de rajeunir, c'est de chercher des crèmes puis se les mettre dans le visage. Non, l'étude pourra continuer à vieillir, mais ça ne paraît pas. Mais ça, c'est une ruse. L'ego ne doit pas intervenir dans l'anti-vieillissement. On doit donc continuer à faire ce que toujours il faut faire, c'est égoïser. Il y a un moyen. Si on n'a pas le temps de le couvrir dans la première partie, on continuera, on poursuivra lors de la deuxième. Il y a un moyen intéressant qui est absolument inapplicable par l'humain. L'humain peut parvenir à devenir immortel de son corps physique avant la fusion avec son endométérique. L'humain peut devenir totalement immortel et l'humain peut même rajeunir complètement son corps physique avant la fusion avec son endométérique. Mais ce que je vais expliquer là est inapplicable par l'homme. Premièrement, l'humain, de par sa nature, ne pourra jamais devenir immortel. Il a besoin d'une intervention extraterrestre. L'humain, de par sa nature, a donc besoin, si pour que le corps devienne immortel et reste jeune et en santé, d'une intervention supplémentaire. Je parle d'intervention extraterrestre, je ne parle pas d'un chirurgien qui vient de la planète Mars. Je parle d'un contexte supramental, donc d'un contexte qui n'est pas créé et rayonné par le plan planétaire. C'est donc extraterrestre. L'humain, de lui-même, ne peut pas. Le plan moronciel, l'endroit où il y a la vie sans le corps physique, là où il y a de la mémoire sans information, là où on va créer et placer un double de notre conscience lucide, le double éthérique, ou le double moronciel, l'espace moronciel est empreinte de matière. Cette matière, elle peut être malléabilisée, cette matière, elle peut être sculptée. L'énergie vitale, on le sait, est l'énergie qui maintient la forme biologique et atomique de notre structure biophysique. Si on a accès, si on aurait accès à de l'énergie, à une matière, que l'on peut sculpter pour par la suite venir imprégner notre corps physique, nécessairement toute la structure atomique du corps physique serait assujettie à cette sculpture d'énergie vitale. Et automatiquement, il y aurait une mutation vers cette sculpture. La problématique, c'est comment devenir un sculpteur moronciel. L'être humain doit s'en égoïser suffisamment pour que l'énergie vitale qu'il va aller chercher dans le plan moronciel ne soit pas immédiatement émotivisée. On va y revenir lors de la deuxième partie. Alors, je résume une petite chose que vous pourriez mettre en pratique en sortant. Percevoir votre corps quand vous marchez, quand vous parlez, quand vous chiolez. Marcher consciemment. Un être humain intelligent ne fait jamais de bruit lorsqu'il marche. Je ne parle pas des talons de métal. Mais ses pieds sont déposés au sol parce qu'il conscientise le corps. L'individu qui est conscient de son corps physique est déjà sur la voie qu'il faut. Et lors de la deuxième partie, on va vous expliquer un peu comment on peut sculpter dans l'énergie vitale.